Audiomatique. Thank you. morning. Malaysian 370, stand by, and Malaysian 6 is set to Frankfurt via Agusta Alpha departure, 6,000 feet, squawk 206. Split to Frankfurt, Agusta Alpha departure, 6,000 feet, squawk 206, Malaysian 6. Malaysian 6, over the ground today, Malaysian 370, first level. 370, we are ready, requesting Falaku 310 to Beijing. Malaysian 370 is set to Beijing via Bebos Alpha departure, 6,000 feet, squawk 2157. En amorce de cette transmission 040 d'Audiomatique, nous entendions le duo suisse Aeroflow et la chanson MH370 de leur excellent album Jet Lag Ghost. Aeroflow est formé des projets Paul, POL et Goodbye Ivan, et vous pouvez en découvrir davantage sur eux en visitant leur profil sur Bandcamp au aperoflow.bandcamp.com, aperoflot.bandcamp.com. Les électronistes sont accros à tout ce qui touche de près ou de loin la musique électronique, et c'est pourquoi leur présence assidue se fait ressentir en direct sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM tous les mercredis à 17h et en rediffusion les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Toute la semaine, les électronistes abusent littéralement de ces substances synthétiques, parfois organiques, avec lesquelles les artistes que nous vous présentons créent leurs assemblages sonores. D'ailleurs, ISA, qui est l'acronyme du projet Electronic Substance Abuse, ouvre cette séquence musicale de deux pièces avec sa composition « If I could hurt you all over again, I would ». We'll be right back. Thank you. Nous entendions le groupe Chemlab et sa pièce Binary Nation, une version qui a toutefois été remaniée par le projet Kill Memory Crash. Cette version de la pièce Binary Nation, le Automatic Daffy Remix, se retrouve sur la compilation Kinetic Festival Volume 3, qui regroupe les projets musicaux ayant offert une prestation lors de la troisième édition de ce festival qui s'est tenu à Montréal en 2012. Rappelons que Chemlab est un groupe américain apparu en 1989 et, malgré le fait qu'il ait offert un concert à Montréal en 2012, ils n'avaient rien produit de nouveau depuis 2004, c'est-à-dire depuis leur album Oxidizer, duquel est d'ailleurs tirée la version originale de la pièce Binary Nation que nous avons entendue. Et avant Chemlab, nous écoutions le projet ESA et sa pièce If I Could Hurt You All Over Again, I Would, une pièce tirée de l'album Themes of Carnal Empowerment Part 2, Deceit. Voici maintenant le duo californien Sister Crayon à Audiomatic. Thank you. one. No reason to believe. You have the arms to sound the alarm, but you don't feel the need. Changement. C'est fou. 89. Tout juste avant la pause publicitaire, nous terminions le bloc musical avec Sun Lux, mené principalement par Ryan Lott. Il nous interprétait la chanson I Am The Others de son plus récent album Bones. Ryan Lott a toujours collaboré avec d'autres musiciens sur ses albums. Par contre, sur Bones, il va au-delà de la collaboration puisque les pièces ont été composées en collégialité avec Ian Chang de Body Language et Rafik Bhatia. Précédemment, à Sunlux, nous avions droit à la musique de Jamie Smith, peut-être mieux connu en tant que Jamie XX, bien sûr de la formation anglaise DXX. Ici, tiré de son véritable premier album solo intitulé In Color, nous avons écouté la chanson Seesaw, sur laquelle on pouvait entendre la chanteuse Romy Madleycroft, aussi membre du groupe DXX. Et en début de séquence, il s'agissait du duo Sister Crayon et la chanson Into Solemn Hymns de leur deuxième album Devoted. Allons-y maintenant avec le groupe Crowd Control et sa pièce Sunburn. Punish all that walks and breathes! Keeping it silent, return forever. Le groupe belge Torofon terminait cette séquence avec la pièce Skin Melt de son album Excarnation, paru en 2011. La musique de Torofon s'appuie aujourd'hui sur les esprits créatifs des artistes Anton Knilper et Geneviève Pasquier. Avant Torofon, c'était House Arafna, un duo dont on sait très peu de choses malgré qu'il existe depuis 1990. La version alternative que nous avons écoutée de la pièce Für Immer se retrouve sur le single du même nom paru en 2000. On peut également retrouver cette version sur l'album de singles 1993-2000 qui regroupe, comme son nom l'indique, tous les singles réalisés par House Arafna entre 1993 et 2000. Quant à la version originale de la pièce Für Immer, elle se retrouve sur l'album intitulé Butterfly. Et on débutait cette séquence avec le groupe Crowd Control, Control avec un K, et la pièce Sunburn qui est tirée de son album The War on Error, sorti en 2007. Nous terminerons cette transmission 040 d'Audiomatique comme nous l'avons débuté, c'est-à-dire avec un artiste suisse, soit Alessandro Zampieri, et son projet Stendek qui nous présentera la pièce Momentary Pleasure de son plus récent album Folgor. Les électronistes seront de retour en direct mercredi prochain dès 17h pour vous offrir une autre heure de découverte ou de redécouverte musicale. Nous vous rappelons aussi que les transmissions d'Audiomatique de chaque semaine sont rediffusées les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Il est aussi possible de consulter les anciennes transmissions par l'entremise de notre page facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Stendek et la pièce Momentary Pleasure. Bonne semaine!